لا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد notre sujet actuel c'est donc les cours qui seront ou un cours qui sera donné spécialement pour les soeurs, pour les femmes, un cours qui sera spécialement donné pour les femmes. Et du fait qu'il y a énormément de questions et que le temps est court, donc on va s'arrêter aux questions-réponses. Juste avant de commencer, donc tout en sachant que Nissa, chacun pour les gels, les femmes sont équivalents aux hommes. Dans le domaine de l'adoration, dans ce qui touche l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala demande aux femmes ce qu'il demande aux hommes, à quelques exceptions près, hein, qui sont donc vis-à-vis de certaines choses qui sont totalement spécifiques à l'homme. Donc sinon, la grosse, de façon générale, les femmes sont comme les hommes, chaqa'iq et rijal. Non, et même vis-à-vis de la riwaya, même vis-à-vis du fait que c'est une femme qui est sûre lorsque elle transmet un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il y a eu donc, dans l'histoire des femmes qui étaient savantes et elles ont même donc donné et enseigné à l'imam al-Bukhari par exemple des hadiths. Elles ont enseigné à l'imam al-Bukhari rahmatullah alayhi des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi donc, le meilleur exemple qui existe, bien sûr, c'est Aïcha, radiallahu anha, car on a énormément pris de elle. On a énormément pris d'elle vis-à-vis de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait, spécialement dans sa maison, spécialement dans sa demeure. Donc il y a une question qui est, donc le ramadan est-il valable sans prière? Donc le fait qu'elle était dans la phrase, donc je la laisse, puisque ce n'est pas spécifique aux femmes, mais on va quand même répondre. Après, c'est toujours vis-à-vis de comment on considère que est-ce que Tariq Salat est kafir ou pas. Donc si la personne prie, si tu considères que celle qui prie n'est pas musulmane, dans ce moment-là, bien sûr, son ramadan ne sert à rien du tout. Et si donc, tu considères que Tariq Salat n'est pas un kafir, mais c'est un musulman qui commet des péchés, en ce moment-là, donc le cas change. Est-il obligatoire d'avoir ces ablutions pour ouvrir le Coran? Cet article-là, en vérité, en réalité, non. Est-il obligatoire d'avoir ses ablutions pour couvrir le corps? Donc on va retrouver Khilaf al-Masala, mais en réalité, non. Mais en réalité, donc c'est pas l'obligation d'avoir ses ablutions pour c'est-à-dire pour couvrir le corps. Vous n'entendez pas? Les choses de l'application. Et là, on entend là? Donc je répète. On entend là. C'est bon là. Allez. Donc, est-il obligatoire d'avoir ces ablutions pour ouvrir le Coran? Non. Et on l'a vu donc dans l'un des derniers cours donnés par Shirov El Jebeli dans les repères de la Sunna, où cette question a été posée. Et le Béli c'était tahrir. Donc en réalité, il n'est pas. Donc ce n'est pas obligatoire pour avoir les ablutions pour ouvrir le Coran. Et vous pouvez revenir dans son acte qui est Menhaj al-Salikin et qui a été traduit. La prière à la mosquée pour les hommes est-elle obligatoire lors de l'Aïd, la fête des musulmans? Donc la prière à la mosquée est obligatoire pour l'homme. Et lors de la fête de l'Aïd, à l'origine, c'est dans le Moussalla. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc priait dans un terrain vague. Le fait qu'il y avait énormément de musulmans qui venaient. Donc c'était dans un terrain qui était vague, hein, donc qui était où il y avait une sorte de pierre qui était élevée, donc il s'élevait sur cette pierre et donc faisait la prière du l'Aïd. Donc c'est là qu'il priait la prière du l'Aïd à Al-Sawassin. On retrouve ça dans Sahih al-Bukhari Kitab al-Jumu'ah. Hein. un homme, la question c'est, un homme interdit à sa femme de sortir sans raison valable. De quelle façon doit-elle réagir? Donc la dame, déjà la femme, doit obéir à l'origine déjà à son mari. Maintenant, il demande au mari de ne pas, c'est-à-dire de ne pas exagérer dans ce qui est interdit, dans les choses qui sont interdites. Il y a des choses qui sont ouvertes, qui sont permises. Et de la meilleure façon, c'est justement de pouvoir savoir donc jauger vis-à-vis de cela. C'est que la femme ne doit pas non plus, elle, sortir à tout va, sans raison valable. Sortir à tout va. Mais si maintenant, il y a donc une visite de la famille, des douces, des choses qui seraient peut-être intéressantes pour elle, ou que ça va être profitable pour l'épouse, il n'y a pas de raison que l'homme interdit à sa femme. Déjà à l'origine, il n'y a pas le droit d'interdire maintenant si elle veut prier à la mosquée. Ça, il ne peut pas. Alors, le prophète Hassan a justement nous a dit que donc, de l'un d'entre vous n'interdise pas à sa femme d'aller à la mosquée. Il est interdit si la femme n'allait pas à la mosquée, donc le mari ne peut pas interdire cela. Et aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé Aïcha radhiallahu anha donc visiter maintenant quelques femmes de donc quelques compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc les femmes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et elle doit réagir ou en lui montrant les preuves, mais tout en restant obéissante et douce. Elle va réagir pas de façon méchante. Donc elle va lui expliquer que maintenant il y a une maslaha dans le fait d'aller visiter ma part. Il y a une maslaha dans ceci ou dans cela. Donc vis-à-vis du mariage, deux personnes se fréquentent, sachant que ces deux personnes sont dans la dunya. Mais plus tard, les deux personnes sont à repentir sincère et désirent de se marier. Le mariage est réellement valable. Si ces deux chrétiens, hein, comme vous disiez là, si c'était deux chrétiens, à ce moment-là, il leur suffit juste, donc la shahada leur suffit, le fait qu'ils attestent. Les deux, donc, ils disaient qu'ils étaient mariés, maintenant, donc, ils sont chrétiens, ils étaient par exemple mariés, donc avant de faire tawaf, tous les deux, ils étaient mariés, et en ce moment, le fait qu'ils sont entrés dans l'islam, ils n'ont pas besoin de refaire de acte shari. Il n'y a pas besoin pour eux de refaire d'acte de mariage shari, car il y a le tawaf qui accepte tout, donc qui va justement effacer tout. Il n'y a pas besoin de refaire de mariage. Ils sont mariés, ils sont considérés comme mariés. Il n'y a pas besoin de refaire. Donc le fait qu'ils font tous les deux tawaf, il n'y a pas besoin de refaire de mariage. Mais si c'était, donc comme on dit, des gens qui se considèrent musulmans et qui étaient dans le péché, en ce moment, ils doivent se séparer. Ils vont se séparer. Donc normalement c'est trois menstrues. Ils vont se séparer de la période de trois menstrues et après donc ne pas se voir et faire un acte qui va être pour que ce soit valable, pour que ce soit accepté. Bien. Donc nous savons que dans la religion musulmane, l'accord des parents est important pour le mariage. Mais si ces derniers refusent une personne à cause de ses origines, qui est différente de la nôtre, donc doit-on tout de même prendre compte l'accord des parents, ou bien de quelle façon doit-on réagir? Si donc les parents refusent vis-à-vis de la différence de race ou une certaine différence quelconque, en ce moment-là, on doit quand même obéir aux parents. C'est même si, à l'origine, c'est pas comme ça que les parents doivent réagir. Mais simplement, l'obéissance, elle reste. On obéit aux parents. Et eux, ils savent très bien peut-être pourquoi ils font ça. Ils savent mieux que toi pourquoi ils font ça. Des fois, ça peut arriver qu'il y ait certaines difficultés, maintenant, lorsque les gens sont, maintenant, de pays différents ou quoi que ce soit, vis-à-vis des voyages, vis-à-vis de beaucoup de choses. Donc, on peut obéir les parents, s'ils ont décidé cela, le mieux, c'est d'obéir, afin de ne pas entrer justement dans les fitnes. Donc, on ne va pas réagir dans le sens où, parce qu'ils ont dit quelque chose qui, à l'origine, il sera délaissé maintenant, que ça veut dire qu'on doit automatiquement leur désobéir. C'est le même principe. C'est le même principe que lorsqu'on dit « Mes parents ont refusé maintenant un moutadim ». C'est ce qu'on appelle par là un moutadim, c'est-à-dire celui qui est maintenant qui a un qamis, qui a une barbe. Donc on dit, souvent on voit des questions de femmes qui disent « Mes parents ont refusé un prince, donc qui porte le hein, qui a une barbe et qui porte le kamis, et voilà, maintenant. » Et ils préféraient que maintenant, la personne n'est pas de barbe, c'est un exemple. Alors, est-ce que je dois le désobéir ou quoi? Donc, il y avait une réponse de Charobel vis-à-vis de cela. Et Charobel a dit donc, si Allah a éprouvé cette personne, parce que justement elle n'a pas de barbe, donc elle a éprouvé dans le domaine de l'Islam, son dogme il est bien, sa religion hors de la barre de la sirène, elle a un bon comportement et tout, donc elle peut se mettre par elle. Puis après, elle peut sûrement lui faire un nasiha vis-à-vis de cela. Ça ne veut pas dire que c'est une interdiction pour elle totale de se marier parce qu'il y a tel ou tel péché. Il y a des gens qui n'ont peut-être pas de barre, mais qu'on peut retrouver chez eux des comportements qui sont des fois bien meilleurs que des frères qui ont la barbe et qui vont valider énormément de défauts, qui ont des fois des grands péchés et énormément de mauvais comportements. Donc à ce moment-là, la barbe elle est moins grave. Le fait de ne pas l'avoir, hein, même si c'est un gros péché, ça sera accouché moins grave. Donc c'est pas parce qu'on doit regarder la personne par vis-à-vis de sa religion et vis-à-vis aussi de son comportement. Donc la personne, encore une fois aussi, elle doit réagir en acceptant après ce que, ne désobéissant pas à ses parents vis-à-vis du refus. Elle peut choisir. Si elle ne veut pas se capable, elle n'a pas de problème. Elle choisira. Mais si les parents refusent, elle ne peut pas dire maintenant elle dit ailleurs, va passer chez un autre père, chez quelqu'un d'autre que mon père. Je vais chercher un autre wali que mon père parce qu'il refuse, parce qu'un tel est notre. Ça, c'est pas une réponse qui est valable. Mais j'ai conseillé aux parents que si quelqu'un vient et que sa religion et son bon comportement sont sont prouvés, en ce moment-là, on va qu'ils sachent les parents que c'est comme ça que la turpitude, la fitna sur la terre, elle vient. Car c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit. Que ça vient, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui le dit. Donc elle réagit à peu près tout en obéissant. Elle demande à Allah subhanahu wa ta'ala et elle trouve des moyens de pouvoir justement faire accepter les parents par des personnes qui ont l'influence vis-à-vis des parents. Par exemple, la mère, elle peut accepter ses pères qui refusent, peut-être en parlant plus à la mère pour que la mère elle accepte. Elle passe son travail dans l'épouse qui va parler au mari qui va peut-être accepter plus facilement vis-à-vis de l'épouse. Mais ça ne veut pas dire qu'à ce moment-là, on va venir, on va désobéir, on va partir de la maison, hein, on va quitter les parents juste pour cela. Il faut mieux éviter cela parce que des fois, on n'arrive pas à s'en sortir. Salam alaikum. Est-il autorisé à la femme de donner des cours à la mosquée? Donc, vis-à-vis de la mosquée, lorsque dans ces matins, il n'y a rien du tout, hein, donc on sait que s'il n'y a rien du tout, je sais que j'imagine d'avoir vu, il y a des cours qui se donnent entre les sœurs salafiettes. Je sais ça. Donc, d'après ce que je sais, c'est que c'est des sœurs qui ont de la science, donc je ne pense pas qu'elles auraient fait sans demander là-bas du chouïr. Ça se passe dans la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais je sais par rapport à ça. Je sais qu'il y a eu certains chouïrs qui ont interdit, donc formellement, que les femmes donnent des cours aussi à la mosquée. Donc, apparemment, ça serait des avis de s'il y aurait quelque chose ou s'il y aurait rien. Je ne sais pas, parce que ça se passe à Médine. Parce que moi, ce que je connaissais aussi d'un autre chef qui disait qu'il lui est permis si il n'y a personne qui donne des cours. Mais à l'origine, c'est à l'homme de donner des cours. C'est à l'homme de donner des cours à la mosquée. Là, on va venir écouter le cours. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après l'Eid, il allait voir, il exhortait les femmes. Il donnait un cours pour les femmes. C'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui donnait un cours pour les femmes. Aïcha radhiallahu anha, la plus grande, c'est pourtant, c'est pas elle qui voulait donner des cours aux sœurs. Elle était aux femmes. Donc c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui donnait et qui précisait, qui donnait un temps spécifique aux femmes. Donc il est permis, pour ce qui est de la science, la femme lorsqu'il donne des cours aux frères, qui va faire quoi? Donc il y aura les sœurs après Alhamdulillah, elles sont dans les pièces des femmes, et c'est un frère qui va donner, qui va faire, comme le cours de maintenant, il va spécifier donc un cours spécial en vérité pour les sœurs. Parce que justement, il ne faut pas laisser les sœurs dans l'ignorance. Hein, sous prétexte que la femme, c'est le pays, tout l'affaire, c'est la maison, l'affaire. Si tu laisses une femme dans l'ignorance, donc tu vas une mère qui va être éducatrice parce que toi, tu es énormément dehors, donc face à ton mari, et elle est à la maison, et sache que l'enfant, il va énormément déteindre sur la mère, plus que sur le père. Il va énormément déteindre sur la mère parce que c'est elle la première qui est donc responsable de ce qui se passe dans sa maison. Parce que quand le mari sort, des heures de la journée, la femme reste avec les enfants et celle qui les éduque. Donc si elle a de la science, si elle a quelque chose, c'est improbable pour les enfants. Donc il vaut mieux que la femme ait des connaissances. Des connaissances suffisantes. On ne demande pas d'elle d'être une savante, mais alhamdoulilah, si elle a des connaissances suffisantes, c'est déjà un grand khair. C'est un grand khair pour la maison. La question est, donc est-il autorisé à la femme de lire le Coran et de rentrer à la mosquée lorsqu'elle a ses menstrues? Donc on a parlé vis-à-vis du Coran, non, oui, et aussi lorsqu'elle rentre à la mosquée, à partir du moment qu'elle est sûre qu'elle a mis ses protections, qu'elle s'est habillée de cette protection afin qu'elle ne salisse pas la mosquée. Donc la raison que la femme qui a ses menstrues n'entrait pas à la mosquée, c'était surtout, est-ce qu'elle avait pour traverser la mosquée, elle peut. lorsqu'il s'agissait de traverser la mosquée, la femme elle peut donc même faire le traverser, même en comptant lorsqu'elle a ses menstrues, mais elle met ses protections afin de ne pas salir la mosquée. Et après, si c'est pour quitter un dame, donc à ce moment-là, on sait qu'il y a fait le chiffre de l'élément, et certains autorisent, ils disent maintenant, et d'autres disent, bon, on ne va juste pas leur spécifier une pièce. On va spécifier au sœur, donc une pièce, si c'est pour écouter un cours. Mon frère se marie la semaine prochaine, après discussion avec lui, nous a informé qu'il a fréquenté la fille sans être allé plus loin. Son mariage aura lieu sans musique et sans mixité. Les deux prétendants ne font pas la prière, sommes-nous autorisés à y assister? Non. Vous êtes autorisés à assister à ce moment-là, en espérant que peut-être que vous allez conseiller les gens. Alhamdoulilah, vu qu'il n'y a pas de musique, il n'y a pas de mixité, donc il n'y a pas d'interdiction. Et comme ça fait partie de la famille, vous y allez afin de ne pas entrer dans les disputes et les histoires. On sait que ce genre d'événement, si vous n'y allez pas, ça va toucher. Alhamdoulilah, le fait qu'il n'y a pas de mixité et qu'il n'y a pas de musique, les personnes elles peuvent y aller. Et si vous voyez un munkar, essayez de l'arrêter, surtout si vous faites partie de la famille. Si vous voyez un mal, essayez de voir comment vous pouvez enlever ce mal avec le hikmah. Et si vous voyez que le mal s'aggrave ou quoi, il suffit qu'après manger, vous êtes parti. Si vous voyez que ça ne va pas, vous pouvez après libre à vous de partir. Même si vous avez peu de temps, manger et partir. Afin de ne pas entrer dans les histoires. Suis-je en droit de dire que je me revendique salafia? Non. C'est un droit de dire que la personne se revendique de la salafia. Les gens, tous les groupes, toutes les têtes se revendiquent de tout ce qu'ils sont. Je suis Rouhani, je suis Tébé, je suis Soufi. Mais salafi, non, je ne pense pas que c'est salafi parce que c'est une question. C'est une façon de vouloir faire disparaître la salafia en enlevant le mot tout simplement. Le mot salaf, il existe. Il suffit de voir le dictionnaire. Un fait et tout, qui donne l'explication de la salafi, c'est une nisba, c'est une appartenance à la salafi. Alors je ne vois pas comment ça n'existe pas. Et, alors si ça n'existait pas, ça ne serait même pas dans le dictionnaire. Donc c'est dans les dictionnaires qui existent depuis plusieurs siècles. Alors pourquoi c'est dans les dictionnaires si ça n'existe pas? Donc comment ça existe mais on ne peut pas le dire? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Yama salafi malaki, je suis donc une bonne grâce comme salaf, sa prédécesseur, pour toi, à sa fille Fatima. Il lui dit que Ni'ma salaf malaki. L'imam Zahabi parle de ce mot, l'imam Utimi al-Rahmatullahi parle de ce mot. Sur Al-Bani, il montre en exemple une porte où blanche, qui a l'origine blanche, où on y mettrait énormément de couleurs, c'est-à-dire qu'on commence à peindre la porte en plusieurs couleurs et on laisse toujours une partie blanche pour montrer que tout ça c'est des nouveaux noms, mais cette partie blanche de la porte reste toujours, c'était elle la salafia, c'est-à-dire l'origine de l'islam, et on va se revendiquer de ce qui reste de l'origine de cette partie qui est blanche, pour montrer que les autres couleurs c'est justement d'autres siècles. Et lui il dit qu'on peut, sur une base de la France parler, il dit bien que c'est une tête qui est wajiba. Il dit la base. Il n'y a pas de problème par rapport à cette question, il fait ce qu'il y a au Jibor. Chir Farouzan le voit aussi. Alors, des fois, les gens vont rechercher, ils vont dire, mais, Mansalan, Chir Antimine ou bien tel, disent que, pas plus de tout. Ils vont trouver des paroles de quelqu'un qui va dire le contraire. Et ils vont s'arrêter à cela. Si c'est à cela, de là, on a le prophète Sallallahu Alaihi Wasallam, on a le même Zahabi, on a Chir Sami Temiya, on a d'autres, on va retrouver chez peut-être encore d'autres, on a une nouvelle, Chir Farouzan, Chir Al-Badihan, de là, on a suffisamment de preuves qu'il faut le dire. Si maintenant la personne. Donc il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal de dire que la personne elle est saine. Donc est-ce qu'il est autorisé à la fin de se percer une partie du visage? Allahu a'lam. Parce qu'on parle de tradition. Mais enfin, si la personne était indienne, ça c'est une tradition chez eux. Alors je vois que ça changerait. Mais ici maintenant, si passe le village, le persil, on sait bien que c'est une sorte de mode qui rentre dans le chabal de Koufar, qui n'est pas à l'origine, donc quelque chose qui est normal. Que ça ne va pas comme enfin, des boucles d'oreilles ou quoi, qui est déconnu même à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça donne des boucles d'oreilles, enfin, ça a été reproduit partout. Mais le persil, c'est quelque chose qui est bien précis. Donc Allah a'lam. Peut-on prier sans chaussettes? Si maintenant le jilbab est vraiment long et qui cache bien toutes les parties, parce que dans la prière, les pieds donc, doivent être cachés, si ce jilbab est bien long et qu'il cache bien, donc on ne va pas avoir les chaussettes, à ce moment-là vous pouvez. Sinon, si maintenant lorsqu'on est en soujoud ou lorsque ça ressortirait, les pieds ressortiraient maintenant, donc le jilbab ne sera pas suffisamment le grand ou bien long pour pouvoir cacher ça, à ce moment-là, il faut mettre les chaussettes. Donc il faut mettre les chaussettes à partir du moment où, parce que sinon on va voir les pieds. Les pieds ne doivent pas être montrés dans la prière. Pourquoi la femme n'est pas autorisée à s'épiler les sourcils à cause du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui la maudit celles qui font cela. Il y a une malédiction pour celles qui vont s'épiler les sourcils. Il y a une malédiction du hadith d'Abdallah ibn Mas'ud. Donc il y a une malédiction vis-à-vis de cela. Parce que tu changes la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc vis-à-vis des sourcils, c'est clair qu'il n'y a pas de khilaf dessus. Et le khilaf, c'est maintenant, c'est vis-à-vis des jambes maintenant. Et un khilaf vis-à-vis des jambes. Vous avez des choses bien, c'est maintenant entre les sourcils. Donc il y avait, ça rejoignait, ça faisait trop une grande ressemblance aux hommes. À ce moment-là, la partie qui peut être au milieu, elle peut être épilée. Mais pas les sourcils dans les mêmes. Pas les sourcils. Donc il est obligé d'enlever certains poils maintenant qui seraient le fait que ça peut trop ressembler à l'homme. Mais pas vis-à-vis des sourcils, vis-à-vis maintenant des poils qui seront là. Mais les sourcils, si c'est celle qui l'épile, sera maudite. Donc la malédiction, c'est le fait d'être éloigné de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai souvent tendance à parler à mon mari avec méchanceté. Pouvez-vous me donner des conseils pour pouvoir patienter face à ses défauts? Parce que là, vous avez écrit ses défauts SES. Les défauts du mari ou bien vos défauts? Apparemment, je comprends que c'est sûrement vos défauts. Parce que vous avez tendance donc à parler à votre mari avec méchanceté. Non. Shaitan, c'est clair qu'il va bien sûr jouer afin que vous vous divisiez, afin que vous vous sépariez. Donc c'est normal que vous allez justement. Donc il a trouvé la porte. Il a trouvé la porte vis-à-vis de votre nervosité vis-à-vis de votre mari. Alors ou vous êtes nerveuse ou vous ne patientez pas vis-à-vis de ce que votre mari dit ou quoi. Donc il faut faire les efforts. Il n'y a pas de doute. Faites les efforts avant qu'il soit trop tard. Parce qu'un mari qui reçoit une épouse qui est jamais douce, jusqu'au bout il peut tenir. Donc quand même c'est chaud. Donc il vaut mieux que l'épouse fasse attention pour ne pas arriver à des dégâts qui sont en réalité plus graves que le fait que vous parliez mal. Donc attendez-vous justement, alhamdoulilah, les gens sont patients. Ils vont rien dire, toute la vie. Il y a des gens qui sont patients, mais ils vont dire des choses au bout de quelques années. Les gens ne sont pas patients, et il y a des gens qui frappent tout de suite. Donc les personnalités des frères sont des personnalités différentes. Donc la personne, elle doit faire attention. L'épouse, elle doit être douce avec son mari. Et je conseille à Khaled de la vie de cela. Donc les cours qu'on donnait, Cheikh Chalabi, Hadorbal, et je pense qu'on doit retrouver tout cela sur la personnalité de la femme musulmane. Et à un moment donné, dans ce site, je pense près de plus de 20 caractéristiques de la femme. Donc Cheikh Chalabi dit bien, parle bien de sa douceur. Il mentionne dans parmi les caractéristiques de l'épouse pieuse, justement, la douceur envers son mari, comment elle parle. Et il avait donné l'exemple maintenant de la femme, donc lorsque lorsque son enfant est mort, Talha est celui qui l'a pris. Mais lorsque l'enfant est mort et qu'il n'a pas dit tout ça à son mari, elle est venue, elle doit parler gentiment, avec douceur. Ils ont eu un rapport, et après le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait doigt pour l'enfant, elle a eu raison, parce qu'il m'avait demandé, donc elle a eu raison de son geste, il y a eu doigt pour l'enfant, et même lorsque l'enfant est né, c'est lui qui a fait, donc c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a justement, qui lui a donné, je dirais que le nom, il a fait, qui lui a donné le nom, et qui lui a aussi, donc qu'est-ce qu'il va faire lorsqu'il y a la naissance. Donc on voit qu'on a l'exemple d'une femme qui a été douce vis-à-vis de ça, alors que c'était pourtant dans des moments très difficiles. Alors que dire des moments où ça va bien. Alors que dire en réalité des moments où ça va bien. Et je vous conseille à Khaled, donc moi aussi en réalité je ne voulais pas entrer dans ce qui se passe entre comment doit être la femme, comment l'époux et le mari. C'est parce que le mari et l'épouse, c'est parce que le frère Cheikh Chalabi Hafdhahoullah a donc parlé énormément de cours vis-à-vis de ce sujet, ce sont de très beaux cours. Ainsi que le frère Abdelmalik Abouad a appelé français dans justement vis-à-vis aussi des époux. Donc c'est des couvertures. Donc vous avez de quoi faire vis-à-vis de cela. Là, franchement, je vous conseille d'écouter ces cours-là parce que ce sont de bons cours. Est-ce qu'un mariage est valable si les deux personnes mariées n'assistent pas à ce dernier car il se déroule dans un autre pays? Si il y a des wakala, donc l'épouse maintenant, elle n'est pas là, mais son père, son tuteur est là. Et si le mari n'est pas là, lui qui a fait ce qu'on appelle une wakala sharia. Une wakala sharia. En Arabie Saoudite, ça se fait. J'ai un exemple justement à la maison d'un frère Afmoura qui est mort la semaine passée. Donc il est un élève de Cherobel qui est mort il y a juste une semaine, Rahmatullah Ali, et qui m'avait donné justement plus mort, qui m'avait donné comme wakil. Donc j'étais son son remplaçant pour le mariage avec une sœur. Mais ça, comme en France, c'est pas accepté. Donc ça, c'est une feuille qui était faite au tribunal, maintenant, donc on a l'absolu, donc c'est marquement. Ça marche dans les pierres arabes. Ça marche maintenant dans les pierres arabes. Mais ici, ça marche pas. Parce que la personne, elle doit être présente. Je te parle au niveau de la loi. Voilà, je parle à ce moment-là au niveau des lois. Mais Sharam, c'est permis. Donc c'est permis Sharam. La preuve, dans le tribunal d'Arabie Saoudite, hein, on fait ça. Ça existe. C'est permis parce que la personne, elle est morte. Elle ne peut pas être présente dans le pays où se trouve maintenant l'épouse. Et il le donne, donc, il va léguer quelqu'un qui va être donc son suppléant vis-à-vis de ce mariage. Et lui va aller avec cette wakala sharia, maintenant, afin que, c'est-à-dire qu'il sera suppléant, afin que dans le pays où ils vont se marier, la personne accueille justement, donc la personne accepte pour que le tribunal maintenant là-bas, ou les autorités de l'autre pays acceptent, donc il y a une preuve, parce qu'il y a une preuve à ce moment-là, une preuve qui est légale, qui est donc d'autorité. Et sinon, ça va être une preuve que c'est permis sharia. Parce que, alhamdoulilah, on sait très bien que les tribunaux, c'est Saoudia, c'est les tribunaux qui jugent le cachet à Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc c'est permis. L'épouse, des fois, parce que c'est son tuteur, elle aura donc un tuteur ou quelqu'un qui va la remplacer, qui va être là, présent. Et l'époux, là, lui aussi, s'il n'est pas là, c'est quelqu'un d'autre qui va être, qui va justement, un suppléant qui va être. Donc c'est permis. La question c'est, est-ce que le jibel, le sitar, hein, le sitar est une obligation? Est-ce que cela sont des obligations? Alors Allah subhanahu wa ta'ala, dans la réponse, il dit bien, فَسْأَلُهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. Questionnez-les de derrière le hijab. C'est-à-dire, derrière, donc le hijab, qu'est-ce que le hijab? Donc derrière un mur, ou une porte, ou un habit qui est ample, qui va couvrir tout le corps, afin de se protéger contre, bien sûr, la féminine. Donc, le jibel, à ce moment-là, c'est devenu obligatoire. Le jibel, vis-à-vis de ce verset, il devient obligatoire. Et pour ce qui est du sitar, hein, donc on peut l'appeler sitar, niqab ou barka, donc ça dépend des pays. Donc, Allah Azza wa Jalla dit, c'est-à-dire qu'elle fasse descendre leur khima, c'est leur sita, sur leur poche, le djoub. Ici, cette poche, on a dit le djoub, lorsqu'on parle d'un habit, c'est tout là, c'est tous les trous, hein, c'est tous les endroits où on peut passer le corps. Donc, le manche, hein, là où il y a la manche, ça c'est un djeb. Un djeb, c'est pas que quand on dit la poche, quand on dit le djeb, on pense à cette poche-là. Ça c'est un djeb, le col. Le col du khamis, c'est un djeb. Donc, le bas, c'est un djeb. Là, on va enfiler le khamis. Donc, les manches, là où il y a justement, hein, de quoi enfiler, c'est-à-dire le membre. C'est ça un djeb. Donc le khima, c'est ce qui va couvrir après la tête, et puis Allah subhanahu wa ta'ala, donc, a mentionné aussi en ordonnant, donc de descendre ce khima, sur quoi? Sur le visage et le cou. Donc bien sûr, on n'entre pas dans le khilaf qui est connu chez les ulama. On n'entre pas dans le khilaf qui est connu chez les ulama. Donc certains, hein, on sait très bien que Cheikh Ben Salah, dans son livre de Jilbab, donc il va bien sûr dire que c'est pas l'obligation. Donc lui arrive au résultat de dire que ce n'est pas l'obligation, même s'il considère que ce serait meilleur. Parce que les épouses du Cheikh Albani le font. Parce que Cheikh Albani, que ce soit ses épouses ou hein, ceux qui sont donc les femmes qui restent tant qu'elles sont à sa maison, tant qu'elles sont chez lui, tant qu'elles sont sous sa responsabilité, elles le portent. Elles portent ce niqab ou la société. Donc automatiquement, si ce verset sur le coffre comme il est, donc on voit bien que ça va amener justement à se couvrir obligatoirement sans meilleur prix, mais aussi depuis, il dit aussi subhanahu wa ta'ala, Ya Yuhan Nabi, Kuli Azwajika, Wanisaika, Wanisa Minin, Yunina Alihina, Jalabi Bihina, Zalika Anna, and Rajna, Fala Yudan. Fala Yudan. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit bien aussi, ô envoyé, dis à tes épouses, à tes femmes, et aux femmes des croyants, donc aux musulmans, de descendre, hein, donc justement de mettre leur jibbel, enfin, donc de descendre de leur jibbel, et cela est meilleur afin qu'elles se reconnaissent, donc les gens vont savoir que ce sont des croyantes, des pieuses, des chastes, afin qu'elles ne soient pas embêtées. Afin qu'elles ne soient pas embêtées. Hein, et on sait très bien que alhamdoulilah, parmi les signes du jibbel, les gens vont garder un respect, une distance. Donc l'homme ne va pas s'approcher des mains. Et le visage entre en compte dans cela. Donc le visage il va entrer en compte dans cela, tout en sachant qu'il y a un filet. Donc Oui, je veux dire, c'est pas à moi de dire qui a raison, qui a tort. Hein, donc il y a un débat dessus, je vais aller plus. Mais voilà, tout simplement que là, c'est un frère de maître. Est-il obligatoire de se laver les cheveux lors du rousse, après un rapport avec du shampoing? Non. Non. Et ce qui compte, c'est quoi? C'est que l'eau touche. C'est quoi le roussoul? C'est que l'eau a touché le corps. L'eau a touché le corps complètement. Après, donc, il y a deux façons de faire le roussoul. Et encore une fois, donc, je remets sur le dar de chez Robin Hadzola dans les autres Al-Sunna, dans Menhaj. Menhaj Salki, dans le chapitre de la purification, il avait bien expliqué qu'il y avait deux types de grandes purifications. Donc celle qui va être massage. Le fait que tu vas, la personne elle va donc passer de l'eau dans tout son corps, elle va faire le sinchat, le madmada, c'est-à-dire le nez et la bouche, et puis donc elle sera donc en état de pureté. Elle va devenir en état de pureté. Et la sunna, sinon après, la sunna dans le roussoul, c'est de le faire comme une couille. Donc on va commencer à se laver les mains, les parties intimes, donc faire les ablutions, de se laver du côté droit, du côté gauche, si on veut faire la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Non, donc ça c'est lorsqu'il y a un vrai rapport, et lorsqu'il y a après le rapport, on y passe de l'eau sans se détresser. Si maintenant la femme avait des tresses, donc si la femme faisait des tresses, maintenant, en ce moment-là, elle ne doit pas enlever ses tresses, ne serait-ce que même une seule tresse. Mais par contre, après les rochers et les menstrues, donc elle a eu ses menstrues, là, en ce moment-là, elle doit donc se détresser. Mais ce n'est pas demandé de se détresser lorsque c'est après le rapport. Mais ça, c'est après le menstrue, après le chi. C'est pour montrer que ce n'est pas le même type d'impureté. Ce n'est pas le même type d'impureté. L'impureté des menstrues et des chi sont plus fortes que, donc sont plus importantes que l'impureté du rapport. Que l'impureté du rapport. C'est pas le même type d'impureté, même si à la fin, en résultat, c'est le même chose que le chalaï. Même si à la fin, c'est quand même le même statut juridique, il ne faut pas la contradiction. Donc voilà, il y a quand même une différence. Est-ce qu'on peut, la question c'est, est-ce qu'on peut donc se couper les cheveux très courts? Il est permis de se couper les cheveux courts si maintenant les cheveux donc, sont réellement abîmés. On doit les couper afin qu'ils repoussent normalement. On peut les couper maintenant s'il y a une grande gêne dans le pédier. Maintenant ça fait beaucoup de nœuds, il y a des choses, il y a une gêne. Ça fait mal de les pédier, ben, de se récupérer. Mais on peut donc cela. Mais si c'est pour ressembler à une telle et une telle, ou ressembler à un homme, ressembler à des gens, à des femmes qui sont perverses, donc des femmes qui sont perverses, et qui s'occupent pour leur perversité, pour faire une coupe, soit dans la mode, ou bien vouloir ressembler aux hommes, à ce moment-là, c'est interdit. Donc il faut qu'il y ait l'homme. De se couper les cheveux très courts, il faut qu'il y ait une règle là-dessus. Mais c'est pas comme ça. C'est pas votre langue. Donc il y a une question. Après, la question, là, il y a une ambiguïté dans la question. C'est si une femme prend des médicaments pour la tension, ainsi que pour d'autres traitements, est-ce que ces médicaments lui font. Et ces médicaments-là donc, vont lui faire des pertes de mémoire, alors que la femme prie 5 fois par jour. A-t-elle droit de continuer à utiliser ce traitement que lui donne son médecin? Donc la question déjà ici, il faut encore plus de précision. Déjà, qu'est-ce qu'elle appelle par là? Perte de mémoire. Est-ce qu'elle veut dire par là pourquoi que ça la drogue et qu'elle sait plus ce qu'elle dit? Un peu comme si elle était que ça serait comme une drogue qui est un peu trop forte. À ce moment-là, donc ou bien aussi, est-ce que ce médicament, si elle ne le prend pas, ça va lui causer un grand tort? Donc à ce moment-là, il y a beaucoup de questions et à ce moment-là, il n'y a qu'un chiffre qui répond. C'est pas moi qui pourra répondre vis-à-vis de cela. Parce qu'à ce moment-là, il faut savoir est-ce que ce médicament est obligatoire pour elle. Et si elle ne le prend pas, ça va lui causer un grand tort. Donc il faut avoir plus de précision vis-à-vis de cette question. Est-ce qu'une femme mariée peut faire sa vigilance en sachant que son mari ne veut pas, ne prie pas? Est-ce qu'une femme donc. Est-ce qu'une femme aussi seule peut faire les gens en sachant qu'il y a sa cousine dans ce pays? Et est-ce qu'on peut circonciser son fils pendant le ramadan? Est-ce que la femme peut faire les gens en sachant que son mari ne veut pas et ne prie pas? Donc encore une fois, toujours, ça reste une question qui va revenir de préférence au chouyour, parce que c'est compliqué de faire un futur dessus, ou bien de pouvoir se prononcer dessus. si maintenant la femme était servie, la hijab de la femme. La femme, elle oublie à son mari. Elle doit lui conseiller. Elle doit consulter son mari si maintenant il ne veut pas faire la hijab. Ou voir pourquoi il ne veut pas faire la hijab. Donc c'est à elle de conseiller. Et elle doit quand même rester avec son mari. Elle doit rester avec lui, quoi qu'il en soit. Et si elle était seule, maintenant, que la personne, maintenant s'est convertie, il n'y a aucun mahram, je dis bien aucun mahram. Parce que là, là si la femme parle, son mari veut pas, ça se pourrait qu'elle ait des frères, ça se pourrait qu'elle ait un père. Donc elle ne peut pas partir seule, parce que comme ça, elle a un père, elle a un frère. Donc il faut voir son père avec son frère. Et si elle est seule, comme c'est converti maintenant, donc certains règlements ont permis qu'elle parte seule maintenant, son appui musulman, où elle était, où elle va mettre les pieds. Elle part là-bas, mais elle va aller où? Elle va arriver, donc quelqu'un qui ne connaît pas la langue, qui ne connaît rien, elle va être une proie. Sachez que dans les pieds arabes, les loups, ils sont encore plus que dans les loups des quartiers. Il ne faut pas parler des pieds arabes, il faut les pieds des anges. Vis-à-vis d'énormément de personnes, vis-à-vis des gens, on parle des peuples, on parle des personnages. Une jeune française qui arrive comme ça, qui arrive toute jeune, elle arrive comme ça, au milieu d'Alger, ou là, au milieu de n'importe quelle capitale du monde, elle va se faire manger. Donc, il faut savoir où mettre le pied. Si maintenant, il y a des gens qui l'accueillent, s'il y a ceci, il y a cela, il y a une structure, là, ça va. Mais allez, mutlaqana, alhamdulillah, elle se marie. Et puis elle parle avec son mari. Le mieux, c'est ça. C'est qu'elle se marie et elle parle avec son mari. Si elle parle d'une communauté qui l'accueille, c'est mieux. Mais si elle parle comme ça, elle ne sait pas où aller le pied, à ce moment-là, c'est déconseillé. Ça va être déconseillé. On peut, bien sûr, l'autoriser pour son fils de faire la circoncision pour le ramadan parce que lui, le ramadan ne lui est pas demandé à l'enfant qui n'a pas atteint l'âge de la liberté, le ramadan pour lui n'est pas obligatoire. Et ça ne va pas après, donc à ce moment-là, lui, il n'y a aucun problème, ça pose aucun problème pour lui. Est-ce une épreuve de ne plus vouloir son mari dans l'intimité? Car dans le dîn, on ne doit pas le refuser, c'est trop dur pour moi, que faire? Parce qu'il ne prie pas. Donc déjà, par exemple, que le mari ne prie pas, donc il faudrait déjà essayer de faire la séhram, de le conseiller afin qu'il commence déjà à venir à prier. Le conseiller lui fait rappeler que celui qui ne prie pas, les châtiments sont douloureux. Il ne faut pas après montrer que il ne faut pas être laxiste vis-à-vis de ce domaine. Et si maintenant, vous posez la question à ceux qui vont considérer que Tariq Salah c'est un quelqu'un, vous connaîtrez la réponse. Vous n'avez pas besoin de rester dessus. Avec cette personne-là, chez les parents qui vont dire, de toute façon, à l'origine, donc, tu n'as pas à avoir de rapport avec lui parce que c'est pas ton mari. Déjà parce qu'il n'y a pas de mari toi parce que c'est un quelqu'un. Donc l'acte devient nul, devient caduque. Parce qu'à l'origine, la femme n'avait pas resté avec lui. Et si on va prendre l'avis de ceux qui disent que c'est un frère cercle, en ce moment-là, vous avez le droit de choisir, la femme a le droit de choisir. Est-ce qu'elle reste avec, est-ce qu'elle reste pas? Mais vous m'en parfois la direction. Il faut voir, il y a énormément de choses. Et il ne pourrait jamais avoir une fétoua, enfin des chouillous, vis-à-vis, que ça, par rapport à une personne que quand connaissant le bien, en vérité, la situation de ce couple-là. Plus la personne aura le détail, plus la fétoua va être dit, elle va être dirigée. Donc il faut réussir en vérité à demander après un chiffre, parce que c'est la même chose. Je vous dis ce que les chiffres auraient dit. Donc le mieux, c'est aussi toujours dans ce genre de domaine où il s'agit de divorce, mariage, talak, ceci, cela, que doit faire, que doit faire en ce moment et pour revenir au règlement. Parce que les grandes questions, c'est les grandes personnes qui répondent. Les grandes questions, c'est les grandes personnes qui répondent. Nous, si on répond ici, c'est juste par rapport à notre expérience de ce qu'on entend énormément vis-à-vis des chiouchs. Comment agir avec son mari quand on est différent, qu'on ne se comprend pas par rapport à la religion? Et j'ai peur pour mon âme. Toujours la même chose, c'est une question qui est trop générale. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous êtes sunnite et chiite? Est-ce que vous êtes salafi ne l'est pas? Est-ce que si vous êtes salafi, vous êtes en irtilef dans les sujets maintenant? Est-ce que après le record d'une main, donc vous vont être arrangés ou pas? Si c'est des irtilef, la question, c'est pour ça qu'on ne peut pas répondre directement. Si c'est des irtilef, là où il est permis d'avoir des irtilef, donc en ce moment-là, il n'y aura pas d'inca. Il n'y aura pas d'inca. Il n'y aura pas de réprimand ou de critique. Maintenant, la personne elle considère que dans Jelsa, donc la personne considère qu'il ne faut pas faire Jelsa, il se tira maintenant. Et puis la personne considère qu'il faut le faire. En ce moment-là, il n'y a pas d'Inka. Ou la personne croit qu'il faut réciter derrière lui-même, la fatiha à voix haute. Ça pourrait être la fatiha, ou d'autres pourraient dire non, moi j'écoute ce que dit lui-même, donc ce qui me suffit. Sa récitation me suffit, elle sera très bien pour moi. On ne peut pas, à ce moment-là, ça, il n'y a pas de problème, ça, les divergences, ça sera normal. Et même un couple peut avoir des divergences, surtout si maintenant les deux personnes ont un peu de science et sont capables de lire et de. Et des fois, ils tombent sur des avis, mais, alhamdoulilah, ils ont pris des savants qui sont connus, savants connus et reconnus, et qui sont en divergence sur un sujet, il n'y a pas de problème. Hein? Donc, vous les coulis vous jadis, vous vous allez, ça se fait bien pour le khayra. Donc, pour chaque idée, ou pour chaque point de vue, vous vous allez, c'est Allah qui sera justement donc, le voilà, l'ouali de cela, ça se fait bien pour le khayra, et concurrencez-vous dans les biens. Allah est bon. Et ça, c'est dans les khayra qui sont permis. C'est dans les tirtilèques, dans les tirtilèques qui sont permis. Mais si maintenant, vous êtes en train de dire que maintenant, moi, je dis que Allah est un homme, et lui, il dit non, Allah est coulé maquin, ou bien Allah laisse un homme, laisse des tâches, laisse des khalij, ou que en réalité, vous êtes marié avec un djirmi, ou vous êtes marié avec un habashi, maintenant, un habashi l'akhiri, en ce moment-là, je vous dis hein, de téléphoner au savoir, et vous allez voir une réponse qui va être très rapide. Vous allez recevoir la part des savants vis-à-vis de quelqu'un qui est très égaré, une réponse qui va être très rapide. Mais si c'est juste une petite différence, une divergence comme ça, et que vous avez peur pour votre âme parce que vous croyez que vous êtes désobéissante, non. L'obéissance au mari, c'est au mari Arman, l'obéissance au mari, c'est dans quoi? Dans ce qui est licite. Hein? On ne va pas obéir à tout que ce soit dans ce qui n'est pas licite. Dans ce qui est licite, dans ce qui est mauvais, il n'y a pas de problème. Mais dans ce qui est licite, donc si vous êtes dans la vérité culminante, vous n'allez pas obéir. Vous n'allez pas obéir dans la désobéissance par rapport à ce qu'on va faire. Une femme peut-elle prendre l'avion sans son mahram lorsqu'elle a un enfant handicapé, hein, dans le but de susciter un voyage rapide et non éprouvant, c'est-à-dire pour la mère et pour l'enfant. C'est déjà une chose, hein, maintenant, ce qu'on appelle le voyage, donc ça, le voyage, on sait que ça suscite maintenant pas spécialement un nombre de kilomètres, mais c'est vis-à-vis du rôle. Donc, qu'est-ce que le voyage? Donc, hein, les kawaïds qu'il y a dans le voyage, les règles qu'il y a dans le voyage, c'est que la personne se sent en voyage. La personne, elle va se sentir en voyage. Si, pourquoi maintenant, dans Mevedanit Maliki, on va retrouver 80, sur l'antenne, on va dire 82, 84 km maintenant, c'est parce que, parmi les deux hommes, Ibn Abbas, lorsqu'il partait à Jeddah, ou bien à Taïf, 70 km, 75, Taïf, la même chose à peu près, ou à Dikoudeï, même chose aussi, donc même certains, à peu près à la même distance, dans les 80 km, il faisait le kafar. Donc il faisait le kafar. Donc on comprend qu'à ce moment-là, il se considère en voyage. Il va donner dans les 70-80 km. D'accord ? Il donnait ça. Donc il allait être sans retour, mais on sait que ça faisait à peu près ça. Donc, vis-à-vis de cela, donc il faut qu'on sache qu'est-ce que le voyage. Si c'est pas un voyage, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Mais si c'est un voyage, elle ne peut pas voyager sans mahram que s'il y a une darura, si un hajj. C'est quelque chose vraiment de grave. Et à ce moment-là, la dawara, ça sera le fard, ça sera toujours la même chose. Toutes chaque fétois de ulama, elles vont être vis-à-vis de la situation spécifique de la personne. On ne peut pas donner que la personne, le shir ne va jamais dire oui, mon tlaq ou bien non, mon tlaq. Il va demander quelles sont les raisons, quelles sont les conditions, et pourquoi le mahram ne peut pas ramener, il a fait. Donc il y a plein de choses, il y a plein de paramètres. Donc il n'y aura jamais une question pour tout le monde, une réponse plutôt pour toutes les questions. Ça sera à chaque personne sa réponse différente. Donc si, à l'origine, c'est non. À l'origine, la femme, elle ne va pas voyager sans mahram. Lors d'une prière de 4 rakas, peut-on faire des recours, hein, des deux rakas dans les 4 soujouds ou seulement dans les deux derniers soujouds? Il n'y a pas de problème. Dans chaque soujoud que la personne a fait, et justement, elle le demande d'avoir un adresse des deux rakas. Les deux rakas, c'est tout le temps. C'est pas. Les deux premières rakas, il n'y avait pas de doigts, les deux deuxièmes, il y a des doigts. Mais ça veut dire, je ne sais pas d'où les gens inventent ça, mais en vérité, c'est des doigts à chaque fois. Car le prophète Sassan avait dit que la situation la plus proche, où tu te retrouves la plus proche d'Allah, c'est en sujoud. Donc, faites abondamment de doigts. Faites abondamment, c'est l'autre victoire. Faites abondamment, c'est le victoire. Faites abondamment de doigts. Donc, invoquez abondamment à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, tout le temps, c'est pas que dans les deux dernières séries. Pourquoi? Qu'est-ce qui empêche de connaître? Quelle est la raison? Alors, pensez que ça, justement, demande de la durée. Plus possible, pas de diminuer, justement, cela. Quelles sont les conséquences pour la femme qui décide de quitter son voile définitivement? Ben, tout simplement, elle va être châtiée, tout à l'heure, ce moment-là. Donc, la partie des femmes qui se dénudent, et elle sera châtiée déjà pour commencer dans la tombe. Elle va être châtiée après elle. Les personnes sont tiharam, donc j'avais dit que par rapport à l'âme, peut-être lorsque notre poids régresse, c'est de revenir, donc de délaisser la situation que tu as actuellement, c'est-à-dire dans les péchés, toi qu'un seul. Si ta foi régresse, parce qu'elle régresse vis-à-vis de tes péchés, ou vis-à-vis de délaissement de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu délaisses quelque chose. C'est donc tu dois le savoir, parce que ça c'est l'humain qu'elle s'appelle, elle dit de ce que tu as pour toi-même. Donc le problème en ce moment-là, c'est toi, la personne, elle doit donc se remettre en question et regarder pourquoi ça s'appelle elle. Elle va retrouver qu'elle a délaissé certaines sunna, certaines obligations, elle rentre dans des péchés. Elle est des petits, des grands, elle est une amie, un riba, une amie, autre chose. Donc elle doit délaisser, faire ta oba et revenir vers les adorations qui est justement les adorations sont demandées. Si dans le couple il y a divergence, que la femme est convaincue par un autre avis que son mari l'oblige à prendre son propre avis, doit-elle suivre et l'obéir? Là. Elle ne va pas à ce moment-là lui oublier obligatoirement parce qu'elle est convaincue de quelque chose d'autre. Parce que la femme, elle va le faire de force sans qu'elle ait justement la niyyah. Elle a convaincu que maintenant, cet avis, c'est cela. Maintenant, donc c'est cela à ce moment-là qu'elle doit rester dans son avis. Elle a le droit de rester dans l'avis. Et ce n'est pas une obligation forcée. Avoir ce point-là, elle a dit au prophète, le prophète, il n'a pas ordonné. Alors non, enfin, il n'y a pas ordonné de force comme ça. Tu prends sinon, non, donc voilà. Donc tu fais d'arbre, t'expliques. Ça marche un peu là. Si elle est convaincue d'un avis, là, c'est possible que ça ressemblerait après à l'avis du CITA. Ce serait pas étonnant que ce soit ça. Donc à ce moment-là, qu'elle sache que cela est mieux. Mais si c'est vis-à-vis de cela, le mari, il ne peut pas venir l'obliger. Mais elle évite justement de désobéir comme son mari en rentrant dans les machines, tout ça, parce que peut-être avoir été discuté, elle va lui mettre. Afin justement d'éviter cela, afin d'éviter pas cela qui risque de venir dans le couple. Elle ne doit pas protéger son couple derrière ça. Même si ce n'était pas obligatoire de arrêter de le mettre. Mais elle va le mettre afin ce qu'on appelle mora'at, afin de juger, de jauger ce qui va être, c'est-à-dire de faire la balance entre ce qui est bien et ce qui va, c'est-à-dire ce qui va arriver comme problème. Elle va vérifier, est-ce qu'il y a des problèmes? Est-ce que moi si je ne le mets pas, il risque peut-être de nous divorcer. Maintenant. On a des enfants, je suis enceinte, il va partir, il va me faire, je vais m'insulter, je vais avoir une vie difficile. Donc à ce moment-là, il faut voir. Il faut regarder. Parce que il faut aussi calculer le contexte. Donc le contexte, il est important dans ça. Le contexte, il reste important. Mais à l'origine, elle n'est pas obligée d'obéir. Ça, c'est l'origine. Mais elle regarde quand même derrière, est-ce que c'est mieux d'obéir ou pas. On va reprendre peut-être un quart d'heure au moins après ça, Inch'Allah. Voilà, afin de terminer la question. Alors, je vais vous donner un petit peu de temps avec les musiciens. Je vais vous donner un petit peu de temps.